Check. Papa m'a dit de préserver tous les liens. Je l'aime et grâce à Dieu je sais d'où je viens. Le ciel et la terre est dans les veines à vie. Je me sentir chez moi dans mon bled ou dans le tien. Quelques ignorants se chamaillent dans la cour. La terre est la même, le temps n'est pas raccord. Les tiens comme les miens déçoivent chacun leur tour. Escalage criminel qui met tout le monde d'accord. Et de ce côté de moi, que diront-ils? De l'autre côté de moi, que diront-ils? Je suis pas un arabe, pas un africain. Un arabe d'Afrique, un arabe africain. Quand j'ai commencé dans la musique, je me suis retrouvé dans des pays. Je me suis reconnu dans des tribus qui n'avaient pas forcément les attributs de ce que j'ai connu depuis petit. Ne me jugez pas à mon physique. Je suis de là-bas et je suis d'Iziri. Je ne bougerai pas, je suis ainsi. Amaré, la vie, mélanger la loi, je ne bouge pas d'ici, y'a pas l'homme pour moi. Je prends la paix, j'attendrai pas qu'elle s'amène. Je suis PKO, le riff, le casse s'amène. Je suis Wood de Bled, l'enfant du 9-3, le vrai Mr. Move, le moine Amboka. Et de ce côté de moi, que diront-ils? De l'autre côté de moi, que diront-ils? Je suis pas un arabe, pas un africain. Un arabe d'Afrique, un arabe africain. Quand j'ai commencé dans la musique, je me suis retrouvé dans des pays. Je me suis reconnu dans des tribus qui n'avaient pas forcément les attributs de ce que j'ai connu depuis petit. Ne me jugez pas à mon physique. Je suis de là-bas et je suis d'Iziri. Je ne bougerai pas, je suis assis. Ma marée.